Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin, que j'ai intitulée « Capital Santé ». Seuls 30% des Français sont physiquement actifs. Pourtant, l'exercice est l'un des atouts les plus efficaces pour prévenir l'apparition des maladies, et même les traiter. Haut, bas, c'est tout le corps qui en profite. Que l'activité physique soit bénéfique pour la santé, plus personne n'en doute aujourd'hui. C'est la molécule la plus puissante au monde. Elle entretient du sol au plafond. Assure de façon imagée le docteur Yannick Guillaudot, médecin du sport au CHU de Brest. En prévention, ses effets sont spectaculaires. Elle réduit le risque de cancer de 10 à 30% selon le type de tumeur, diminue de 30% environ le risque de maladies cardiovasculaires, infarctus, angine de poitrine, AVC, et participe à prévenir le diabète de type 2, l'excès de cholestérol ou encore le surpoids. Il en va de même en ce qui concerne la santé osseuse. En France, entre 3 et 4 millions de personnes, dont près de 70% de femmes, souffrent d'ostéoporose. Or, il est avéré que la pratique régulière d'une activité physique consolide le squelette. En bougeant, vous sollicitez vos muscles, ce qui a pour conséquence positive d'agir sur les os et de faire fonctionner les articulations. C'est ce qui explique le docteur Guillaudot. Voilà pourquoi, depuis une quinzaine d'années, les rhumatologues ne conseillent plus le repos à leurs patients atteints d'ostéoporose ou d'arthrose. Alors, y a-t-il une aide pour les malades? Les vertus de l'activité physique ne se limitent pas à la seule prévention primaire. Les malades aussi retirent des bénéfices d'une pratique régulière. L'activité physique est particulièrement utile chez les personnes qui présentent un diabète ou une maladie cardiovasculaire, souffrent d'hypertension artérielle ou qui ont subi un infarctus du myocarde, indique le professeur Martin Duclos, chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. En cancérologie, l'activité physique est préconisée pour lutter contre la fatigue et ou la toxicité des traitements, mais aussi pour réduire les risques de récidive de l'ordre de 30 à 40%. Les vertus thérapeutiques de l'exercice sont d'ailleurs si bien admises que les médecins peuvent désormais prescrire une activité physique adaptée aux patients qui souffrent d'affections de longue durée. Outre ses bienfaits physiologiques, l'exercice est également profitable à la santé mentale. Il permet de diminuer l'anxiété et le stress, il aide à éviter l'apparition de la dépression et, chez les personnes qui en souffrent, contribue à réduire l'intensité des symptômes. Quant à la maladie d'Alzheimer, aucun médicament n'a démontré autant de bénéfices en termes de prévention que l'activité physique. Un effort quotidien, ça garantit une espérance de vie en bonne santé plus importante, affirme le docteur Guillaudot, toujours lui. Si les Français manquent d'activité physique, chez les femmes, la tendance est même à la diminution. On ne croirait pas, n'est-ce pas, quand on voit beaucoup de filles courir le matin, par exemple. Mais c'est la réalité. C'est l'une des révélations préoccupantes de l'étude Esteban, rendue publique en octobre 2017 par l'agence Santé publique France. Selon ce travail, en 2015 seulement, 52,6% des femmes adultes ont atteint le niveau d'activité physique requis par l'Organisation mondiale de la santé, contre 62,5% en 2006. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, on a vu une diminution assez spectaculaire. Chez les hommes, le taux est passé en 10 ans de 63,9% à 70,4%. Un léger mieux. Mais la relève ne semble pas porter sur l'exercice. Moins de 25% des 6-17 ans atteignent les 60 minutes d'activité physique quotidienne. Activité physique quotidienne conseillée à leur âge, bien entendu. En parallèle, la sédentarité, temps d'éveil, passé assis ou allongé, ne cesse d'augmenter. Elle est de 6h35 par jour chez les adultes et de 4 heures chez les enfants. Or, l'inactivité physique, soit l'insuffisance d'activité, et la sédentarité sont deux facteurs de risque distincts. Voilà ce qu'il fallait dire hein, par rapport à ça, parce que bon, on est quand même au mois d'avril, le soleil est revenu après un très long hiver, et puis c'est le moment ou jamais de faire de l'activité physique. Hein, pourquoi pas marcher par exemple une demi-heure ou une heure par jour, de manière déjà à évacuer un petit peu de stress, un petit peu de toxines que l'on peut avoir dans son corps et dans son esprit. Voilà, je préférerais aujourd'hui consacrer cet édito à l'activité physique, au capital santé généré par l'activité physique, plutôt que de parler de l'actualité, parce que l'actualité, je crois, est quand même relativement triste quand on voit un président de la République française se compromettre et à recevoir royalement, j'allais dire, un Américain qui est particulièrement controversé, déjà dans son propre pays, et puis bien sûr à l'échelon international. Voilà, je vous laisse méditer, puis peut-être un peu faire du sport au cours de cette journée. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.